Cours numéro 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Amma ba'd. Fanwasil fi al-qira'a dans cette risala al-mufida al-brahin al-aqliya ala wahdaniyati al-rab wa wujuhi kamalih de Sheikh al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et le premier dars, on avait fait une brève introduction. Et on avait lu l'introduction de l'auteur, rahimahullah, et on répète hadihi risala, c'est Ibrahim que al-mu'allif rahimahullah il a cité concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin d'Ibrahim aqliya, avec des preuves rationnelles, avec la raison. Amma adillat al-kitab wa sunnah, alhamdulillah, ils sont clairs. Et ahl sunnah, ils les ont rassemblés dans des livres, ils les ont enseignés, ils les ont étudiés, walillahi alhamd. Et هنا هو رحمه الله il a choisi de montrer al-Brahim al-Aqliya. On répète هذا سنافع جدا في باب الدعوة. Et كذلك سنافع جدا pour le mu'min, ça fait monter la foi et ça rajoute de la certitude. وهكذا سنافع جدا pour convaincre les autres. فقال رحمه الله فنقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله. On fait une précision avant de continuer. Les titres qui sont entre crochets dans le livre qu'on a, c'est pas بالكلام الشيخ سعدي رحمه الله. Ça, c'est un ajout du muhakkik pour simplifier. Al-Sheikh, rahimahullah, il a pas cité de titre dans cette risale. Et al-muhakkik, il a mis des titres pour chaque fasl, et quand il sentait le besoin. Et hada sa tayyib pour faciliter la lecture. Si on lit les titres, c'est pas mikalam al-Sheikh Sa'di. Si on les lit pas, al-amr il est wadih. قال اعلم رحمك الله انك اذا نظرت الى العالم العلوي والسفلي وما اودع فيه من المخلوقات المتنوعه الكثيره جدا والحوادث المتجدده في كل وقت وتاملته تاملا صحيحا عرفت ان الامور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثه. هذا الفصل سمن انفع الفصول et c'est la base de cette risale. انك اخي الكريم سي tu médites sur هذه المخلوقات, que ce soit les créatures qui sont sur terre, ou dans les océans, les petites créatures, les grandes créatures, les immenses créatures, il a akhir al-aql, pour la raison, c'est possible de faire هذا التقسيم en trois, et de citer ces trois catégories par rapport à la création. On peut les résumer هنا. Emma, ces créatures, elles se sont créées elles-mêmes. Emma, ces créatures, elles n'ont pas de créateur. Emma, elles se sont créées elles-mêmes. Emma, elles ont un créateur. Tu as trois choses. Emma, binafsiha, c'est venu tout seul. Emma, c'est elle qui s'est créée elle-même. Et la créature. Emma, le créateur, c'est Allah. Et il y a un créateur. هذا التقسيم il est نافع جدا. Pourquoi ? لأن الشيخ رحمه الله, avec la raison, il va montrer que les deux premiers cas, c'est pas possible. Et chaque aql, celui qui a la raison, il est obligé d'accepter هذا, tellement que c'est clair. Donc il restera que le troisième cas. Donc هذا c'est un bab naf. Et cette première étape, on arrivera à convaincre أن هذا الكون, cet univers, il a un créateur. Et ça fait partie de l'iman. C'est une première étape, l'iman. أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur. Ça suffit pas bien sûr, comme ça y a dit. لكن في باب الدعوة. Surtout avec الكفار, avec les athées. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر, etc. Encore plus si c'est des proches. فمثل هذه الطريقة. Aller petit à petit. Lui montrer avec des choses qu'il ne pourra pas rejeter. هذا c'est un سبب عظيم. C'est une cause très très profitable pour que هذا المدعو, celui à qui on fait da'wah, il accepte. فقال الشيخ رحمه الله أحدها أن توجد هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق فهذا محال ممتنع. Et que ces choses elles sont venues toutes seules. Les cieux, la terre, le soleil, les montagnes, les êtres humains, les animaux, إلى آخره, tout ça c'est venu tout seul. قال رحمه الله فهذا محال ممتنع. هذا c'est pas possible. قال يلزم العقل ضرورة ببطلانه ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل. Celui qui a la raison, s'il réfléchit un peu, très vite, il va s'apercevoir, si l'orgueil ne rentre pas dans le cœur, et al-inad ou al-i'rad, et il ne se détourne pas, et il écoute, il sera obligé d'accepter hal. لماذا قال ويعلم يقينا ان من ظن ذلك فهو الى الجنون اقرب منه الى العقل. Celui qui pense que toutes ces créatures, toutes ces choses qu'on voit, qu'on entend, ben nous-mêmes, on est venu hakada tout seul, cette vision des choses, c'est plus proche de la folie que de la raison. قال لان كل من له عقل يعرف انه لا يمكن ان يوجد شيء من غير موجد ولا محدد. Celui qui a la raison, n'importe qui, s'il y a une chose, c'est forcément que cette chose, elle est venue d'autre chose. Elle ne peut pas venir toute seule. أبدا. فلهذا العلماء يذكرون هنا دي أمثلة من الأمثلة. On peut lire من شرح الطحاوية أي لابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية au début في ما يتعلق بالتوحيد توحيد الربوبية. فقال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أي إذا رابطت عن أبي حنيفة رحمه الله إدوتر أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. أن مرة بعض أهل الكلام دي زاتي الذين لا يؤمنون بالرب ils ont débattu avec Abu Hanifa rahimahullah sur tawhid al-rububiyya. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur ou pas? فقال لهم اي Abu Hanifa rahimahullah اخبروني قبل ان نتكلم في هذه المساله. اي il leur a dit avant qu'on commence à parler, informez-moi d'une chose. Cette chose c'est quoi? قال عن سفينه في دجله تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. Il leur a dit, je veux vous citer une chose et je veux votre réponse. Il a cité هذا المثال. سفينة, un bateau qui arrive et qui rentre dans le port tout seul, qui s'arrête tout seul. La marchandise, elle est déchargée tout seul. Thomas, il se fait charger le bateau tout seul. Thomas, il repart seul. Sans que personne n'intervienne, aucun être humain. Tout cela se fait tout seul. فَقَالَ كُلُّ ذَلِكْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدَبِّرْهَا أَحَدٍ. Ni des personnes pour charger, ni un homme pour conduire, ni pour gérer, ni voilà chez. Tout se fait seul. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. Ils ont dit, هذا c'est pas possible. Comment un bateau il va venir tout seul, il a آخر. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه والسفله إلى آخر. Il leur a dit, si, هذا c'est pas possible pour un bateau et pour cette marchandise. Comment vous pensez que cet univers, le soleil, la lune, la nuit, le jour, les êtres humains, les animaux, les océans, les montagnes, هذا الكون العظيم avec هذا الترتيب الدقيق, et tout est à sa place et ça fait des millénaires que ça dure, tout cela se fait tout seul. Ils n'ont pas pu répondre. أبدا. Et هذه الحكاية كما قال وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فهذا c'est un دليل عقلي قوي qui est très très fort pour montrer à هؤلاء الملاحدة أن le fait de croire qu'il n'y a pas de créateur, فهذا c'est complètement faux. ثم قال رحمه الله الثاني, deuxième point, أن تكون هذه المخلوقات محدثة وخالقة نفسها. Deuxième point, c'est que هذه المخلوقات, ces créatures, eux-mêmes c'est des créateurs. مثلا l'être humain il s'est créé lui-même. مثلاً cet animal plutôt, il s'est créé lui-même. مثلاً le soleil s'est créé lui-même. Chaque créature, elle s'est créée elle-même. قال فهذا أيضا محال ممتنع يجزم العقل ضرورة ببطلانه وامتناعه فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه. نعم, celui qui a un minimum de raison et qui est franc, il acceptera هذا, أن la chose ne peut pas se créer elle-même. Cet enfant, مثلاً on prend l'exemple de l'être humain. Cet enfant mesquin, il est très faible. s'il est exposé au froid ou à la chaleur ou à des choses minimes, il peut perdre rapidement la vie. Fakir, il s'est créé lui-même. Abadan. Et si on prend les montagnes, on prend le soleil, on prend chaque chose. Kiv, prétendre à Allah. Le fait de le prétendre, c'est grave et personne n'acceptera. قال كما انه لا يحدث بلا محدث واذا بطل هذا القسمان عقلا وفطره تعين القسم الثالث هذا الثاني صار قوي de ce et c'est le cas de beaucoup à notre époque. Vous avez remarqué que le créateur pour eux c'est la nature. La nature c'est quoi? La nature c'est les animaux, c'est les arbres, c'est le soleil, c'est la nature, c'est les créatures. فهم كثيرا. Et ça, c'est hal al-malahida dans notre époque. Ils mettent tout sur la nature. Maintenant, quand il se passe quelque chose de azim, maintenant une éclipse, maintenant un volcan, maintenant un beau paysage, maintenant ils voient une chose de ajib, min makhlouqat Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent pas comme le mu'min, masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah illa aghri. Là, eux, ils disent c'est la nature. La nature, c'est la création. La nature, c'est les créatures. Enfin, comment prétendre que c'est la nature qui gère alors que la nature elle-même elle est gérée. Hada, ça contredit la raison. Lakin ba'd an-nas la yata'ammalun. Et hada al-fikr rentre dans le cœur. Hatta tu trouves ba'd al-muslimin ahyanan, ils décrivent une chose et ils disent mashallah la nature ila akhiri. La shak annahum ils veulent par la nature les créatures, lakin al-insan yantabih. Ana la créature c'est la nature et on dit mashallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette nature, cette créature. Hada, c'est un point important. Donc, si les deux points précédents, ils sont caduques, ils sont nuls, baqiya thalith. Qala wa huwa anna hadhihi al-makhluqat wa al-hawadith laha khaliqun khalaqaha wa muhdithun ahdathaha wa huwa Allah rabbul azim wa huwa Allah ar-rabbul azim al-khaliq li kulli shay al-mutasarrif fi kulli shay al-mudabbir lil umur kulliha. Donc, si les créatures elles ne sont pas venues toutes seules, hakada, et kada, les créatures ne se sont pas créées elles-mêmes. Donc, forcément, la créature, ça implique un créateur. Hada la bout. La raison, elle accepte, hada. Cette créature, c'est qu'il y a un créateur. Qala, wa li hada nabbah Allah ta'ala ala hada at-taqsim al-aqli al-wadih li kulli aqil faqal am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-arda bal la yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a cité هذا البرهان. Et ce raisonnement, c'est pour ça que كما في الحاشية أو في الهامش حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه صحيح البخاري أنه il était pas encore musulman, c'est devenu un sahabi plus tard رضي الله عنه. Avant de rentrer dans l'islam, la cause de son entrée dans l'islam, أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. Et sourate al-Tur, لماذا لأن ce verset c'est من sourate al-Tur. Donc il a entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam réciter Sourate al-Tur. Et il l'a écouté. Et ta'lamoun anna ha'oula, ils comprenaient la langue arabe, radiyallahu anhum. C'était leur langue. La langue avec laquelle ils parlaient tous les jours, chez eux, dans la rue. Enfin, ils comprenaient très très bien le Coran. Qala falamma balagha hadhihi al-aya. Et quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les versets suivants. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal-arda bal la yuqinun. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Quand Jubair ibn Mut'im il a entendu ces versets رضي الله عنه قال كاد قلبي أن يطير. Il a informé à son cœur il a failli s'envoler tellement qu'il a été touché. لماذا لأن ce burhan c'est un burhan عقلي. Jubair ibn Mut'im رضي الله عنه sa raison son cœur ils ont accepté. C'est clair. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Est-ce qu'ils ont été créés hakada, à partir de rien, personne les a créés, ou c'est eux les créateurs. Tu as deux cas. Emma, c'est toi. Emma, tu n'as pas de créateur. Ça, c'est les deux premiers. Si c'est pas ni hada, ni hada, donc tu comprends forcément qu'il y a un créateur. C'est le troisième cas. Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Thumma, un autre burhan, encore plus fort, ou plutôt c'est la suite. أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُقِنُونَ. ثُمَّ le premier passage c'est sur nous-mêmes. Et tu réfléchis sur toi. Est-ce que c'est toi qui t'es créé tout seul? Ben là, on est tous d'accord. Est-ce que personne ne t'a créé? C'est pas possible. C'est pas possible. Chaque chose qui existe, elle a forcément forcément un créateur. Thumma qala azawjal am khalaqu as-samawati wal-ard. Réfléchis encore, un makhluq de plus azim. L'être humain, il a des faiblesses. L'être humain, il est de petite taille. Il a arrêté. Réfléchis les cieux qui sont au-dessus de toi. Tu lèves le regard et tu vois le premier ciel. Wa hakada al-ard. Cette terre sur laquelle tu marches. Ces montagnes, il a arrêté. Qui c'est qui les a créées? Ah, là, c'est rentré dans le cœur de Jubayr ibn Mut'im. Thumma, il est parti voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa aslama. Et tu as d'autres adillah qui montrent. Hada. الدليل هذا البرهان العقلي الإنسان هو مخلوق ضعيف لا يستطيع bien sûr أن يخلق السماوات والأرض et encore moins beaucoup plus petit que les cieux et la terre. Et on revient au verset قال عز وجل أم خلقوا السماوات والأرض. Est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Ça montre que les cieux et la terre, ils ont un créateur. Et la chèque, c'est pas l'être humain. Donc c'est qui les créateurs des cieux et de la terre? C'est les créateurs de l'être humain. Cet être humain, il a un créateur, les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils ont un créateur, et c'est le même. Enfin, هذا الانسان qui ne peut pas créer les cieux et la terre, belle, des choses encore plus petites, ça montre sa faiblesse et ça montre qu'il y a un خالق. Fallait هذا قال عز وجل, تأملوا ce verset. يا أيها الناس, ضرب مثل فاستمعوا له. Remarquez que le début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala يخاطب جميع الناس. Tout le monde est concerné. يا أيها الناس. Celui qui réfléchit, ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un exemple dans ce verset. فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Écoutez. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. Tous ceux que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas créer الذباب. Un ذباب. Un insecte. Une mouche. Voilà aussi tous les êtres humains, مع الجن. Ils se rassemblent pour créer une mouche, ils ne pourront pas. Wala wishtama'u la. Hada, ça nous montre quoi? Ça nous montre que cette mouche, elle a un créateur. Ça nous montre que cet être humain, il a un créateur. Et كذلك, dans un autre verset, قال عز وجل, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Ce verset, il montre une faïda en plus. Même, on ne parle même pas que de création. L'être humain, il ne peut pas créer. كذلك الملك. Le fait de posséder. On ne possède rien, nous, tout ce qu'on a, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير c'est la leffa saghira autour du noyau de date. فحتى هذا الشيء الصغير الانسان ما يملكه. Tu peux pas, tu ne possèdes pas ce noyau de date, بل la fine couche autour du noyau, tu ne la possèdes pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout. الحمد لله رب العالمين له ملك السماوات والأرض. Enfin, nous, on fait partie de son mulk et toutes les créatures, elles font partie du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta'ammalu, vous avez remarqué que les deux versets qu'on a ajoutés, c'est « Fibayan tawhidillahi subhanahu wa ta'ala ». Aïe, hada al-amr al-azim. Si tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, enfin, pourquoi adorer une créature? Et c'est ça le but de cette risala. C'est al-barahin al-aqliya, que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, que c'est le créateur, et le fruit de tout cela, c'est que l'insan il rentre dans l'islam et il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. قال الشيخ رحمه الله فالمخلوق لابد له من خالق والأثر لابد له من مؤثر والمحدث لابد له من محدث. Ça c'est des choses comme ils disent logique, que la raison elle accepte. المخلوق, la créature, forcément elle a un créateur. الأثر لابد له من مؤثر. S'il y a une trace, un أثر, c'est qu'il y a une chose qui a fait cette trace. قال هو المحدث لابد له من محدث. المحدث c'est quelque chose qui arrive, ça ressemble dans certains cas au خلق, à la création. قال والموجد لابد له من موجد والمصنوع لابد له من صانع والمفعول لابد له من فاعل. Est-ce que quelqu'un accepterait مثلا واحد chez toi il te casse ton téléphone ou ton ordinateur ou ton stylo, moi, il te casse quelque chose. Thumma, tu demandes à tes enfants et ils te font comprendre que c'est personne. Qu'est-ce que c'est personne? Imma, il est tombé, imma, quelqu'un l'a touché. C'est logique, il a un bout. Il s'est cassé, c'est qu'il y a eu quelque chose. Enfin, c'est exactement ce raisonnement que Shiruna y montre, rahmatullah alayhi. قال هذه قضايا بديهية عقلية يشترك فيها العلم بها جميع العقلاء وهي من أعظم القضايا العقلية فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. Ce premier point, il est essentiel. هذه القضايا, c'est la plus importante. Et c'est la base de ce livre. Et celui qui l'a compris, walillahil hamd, ça va lui ouvrir des portes à d'autres choses. فلهذا في باب الدعوة avec les athées on commence par هذا. Celui qui rejette هذه comme قال فمن ارتاب, celui qui doute ou qui la rejette, قال فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. Celui qui la rejette, فخلاص, il a montré à tout le monde et c'est une preuve claire qu'il n'a pas de raison. هذا on est tous d'accord ولله الحمد. ثم قال تفكر رحمك الله في نفسك وانظر في مبدأ خلقك. ثم رحمه الله تعالى الشيخ هنا يحث على التفكر اولا في انفسنا. تفكر et ça c'est un point très très important. التفكر, le fait de réfléchir, de méditer. L'être humain, il a été créé pour quelque chose de عظيم. لماذا كثير من الناس sont écartés de هذا الايمان لانهم ils ont plus le temps de هذا التفكر, de réfléchir, de méditer. بعضهم du matin au soir ils sont fait à dunya. Ils n'ont jamais pris le temps de se poser des questions. L'état, la situation des mécréants. Ils ne se sont jamais posé ces questions. Si nous, avec nos proches, avec les gens qu'on connaît, avec notre entourage, si certaines personnes de cet entourage ils sont vieux, on essaye de les faire réfléchir, ça peut ouvrir un bab azim fi ad-da'wa. قال تفكر رحمك الله في نفسك. اولا regarde-toi. Regarde-toi, d'où tu viens. فلهذا قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أي on leur montrera des ayats, des signes في الآفاق وفي أنفسهم, en eux-mêmes. Celui qui réfléchit sur lui-même حتى يتبين لهم أنه الحق. Jusqu'à ce qu'ils s'apercevront que c'est la vérité. Donc, هذا c'est un point important. قال وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة. أي d'où on vient. On vient, comme قال رحمه الله, من نطفة. L'être humain. Au départ, c'était quoi l'être humain? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé à partir de quoi? D'un liquide. نطفة. ثم علقة إلى مضغة إلى آخره. Les étapes, elles sont connues. Elles sont citées dans le Coran. Elles sont citées في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه et dans beaucoup d'autres adillah. On peut citer قوله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. تأمل أن الله سبحانه وتعالى هنا il a cité هذا البرهان العظيم, cette preuve pour ceux qui ont des doutes في البعث, أي la résurrection, أي الكفار, les athées qui ne croient pas en au jour dernier. قال عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. تأمل ces étapes. ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ces étapes? قال لنبين لكم. Pour qu'on vous montre. Pour que tu réfléchisses. تأمل أنت ce liquide. ثم ce liquide il est dans cet endroit. في قرار مكين. ثم ce liquide il prend une forme. Un caillot de sang, thumma, il commence à prendre forme. Hatta, au bout de quelques mois, ça prend la forme d'un corps, d'un être humain. Thumma, les membres, il a akhiré, jusqu'à ce que ça devient un être humain. Thumma, il grandit cet être humain quand il sort du ventre de sa mère. Il grandit, il marche, il parle, il a akhiré. Celui qui réfléchit via هذه الأطوار sur ces étapes, ben là, chaque annahu, il va se poser des questions. Il va se poser des questions. Hada, ça se fait pas tout seul. Abadan. قال حتى صرت بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة. Tous ses membres, la complexité du corps humain. Allez, hada, al-atibba, les médecins, encore plus les chirurgiens, encore plus ceux qui ont une spécialité dans les organes, ils voient des ayats tous les jours. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. Il a fait la complexité du corps humain, des organes, du système nerveux. Il a akhiré. Ça montre un هذا المخلوق العجيب il a un خالق عظيم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال أما يضطرك هذا النظر أو قال نعم أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء الذي أحاط علمه بكل شيء الحكيم في كل ما خلقه وصنعه est-ce que هذا ça doit pas pousser l'être humain à réfléchir toutes ces étapes cette créature d'où elle vient ça doit au minimum le faire réfléchir au départ ثم si Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur فإلا acceptera قال فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار الممتنعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعل لها أعضاء ظاهرة وقوى باطنة وسمعا وبصرا وعقلا وينموها هذه التنمية العجيبة ويركب هذا التركيب المنظم ونعم ويرتب الأعضاء على هذا الترتيب المحكم بحيث يكون كل عضو في محله اللائق به لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم واستطاعتهم الوصول إلى ذلك cet être humain si كما قال الشيخ لو اجتمع جميع الناس si tout le monde الآن se rassemble pour essayer de créer cet être humain à partir d'un liquide d'une goutte d'eau هل يستطيعون أبدا alors que la goutte d'eau c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu retires cette goutte d'eau Et tu dis aux êtres humains, vous créez une chose, que ce soit un être humain ou un insecte, ou à partir de... Vous n'utilisez pas toutes ces créatures qui font partie des créatures d'Allah. Ils ne pourront pas, abadan. Belle, si tu leur donnes jamais l'imkaniyat, ils ne pourront pas. On qadr qu'ils arrivent à rassembler avec des organes à droite, à gauche, à akhri. Est-ce qu'ils pourront lui insuffler l'âme? Abadan. Abadan. Faliada, c'est un dalil... un burhan aqli azim si on se rappelle de hada fi ta'watina khassatan avec les proches et on répète bien sûr al malahida wa illa al mu'minun wa lillahi al hamd al muslimun fa yu'minuna billah subhanahu wa ta'ala dans leur cas on choisira une autre manière lakin cette manière avec al malahida elle est tayyiba wallah subhanahu wa ta'ala qala kama fi sourate nuh ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار الأطوار c'est les étapes الله سبحانه وتعالى قال ما لكم لا ترجون لله وقارا pourquoi vous ne revenez pas à Allah pourquoi vous ne réfléchissez pas pourquoi vous ne vous soumettez pas alors que Allah سبحانه وتعالى il vous a créé avec ces étapes ça nous montre ماذا أن celui qui réfléchit sur ces étapes c'est une cause pour accepter la guidée ثم قال تأمل أو قبل ذلك فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته هذا النظر أي cette méditation cette réflexion si tu es un croyant ولله الحمد ça te fera monter la foi pour le non croyant pour l'athée c'est une cause أنه يرفلشي au départ ثم il accepte la vérité بإذن الله عز وجل قال والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله ومعرفته والإيمان باليوم الآخر on répète أن l'acceptation au départ que Allah c'est le créateur c'est qu'une étape ça ne suffit pas bien sûr pour rentrer vers l'islam لكن c'est une étape عظيمة لأن après on aura كذلك une autre méthodologie أن le créateur si tu reconnais que c'est le créateur forcément le créateur Il nous a ordonné certaines choses. Le Créateur, il a envoyé un messager, il a révélé des livres. ثم والله الحمد إنسان يرنتر من هذا الباب. قال تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم التي لا يعلمها إلا هو وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. نعم. أما الذي يتأمل في السماوات والأرض. tout ce qui est lié aux océans, aux cieux, à la lune, le soleil et chaque chose est à sa place. هذا لا شك أنه سامونتر كليرمون ك خالق مدبر عظيم حكيم يجير tout cet univers قال من الأسباب المتنوعة والنظامات العجيبة أما يدلك ذلك على كمال الرب وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه وشمول حكمته نعم si tu prends le domaine des animaux هناك أمور عجيبة الشيخ رحمه الله il a cité certains points fi hada lakin alladhi yata'ammal فلا شك أن هذا سامونتر كليرمون كو هذا الكون و هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى سلوي كي لي زا كري. ثم قال رحمه الله: وقد نبه الله على هذا الدليل الواضح العقلي بقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ميديت سور سولا. Ce ciel qui est au-dessus de nous, ben ces cieux qui sont au-dessus de nous, c'est quoi qui les retient? Chaque chose qui est suspendue à Hakada, pour nous en tant qu'êtres humains, il faut une chose qui retienne. Maintenant, une maison, il faut des piliers. Voilà, Bouddha. Tu veux faire tenir une chose à Hakada suspendue en l'air, il faut quelque chose qui la retienne. Hadihi samawat. Qui c'est qui retient ces cieux? قال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. C'est Allah سبحانه وتعالى. فلهذا قال: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. Si c'est pas Allah سبحانه وتعالى, si Allah سبحانه وتعالى ne retient plus مثلا ces cieux qui sont au-dessus de nous, qui c'est qui va les retenir? ثم قال: تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار وما يترتب عليه من تعاقب الليل والنهار. تأمل sur la nuit et le jour. Il n'y a jamais eu un retard. Ça montre que celui qui gère هذا الليل و هذا النهار, c'est Al-Hakim, c'est Al-Khabir, Azza wa Jal. Est-ce que le soleil, un jour, il ne s'est pas levé? Est-ce que le cycle de la lune, un jour, une nuit, ça s'est arrêté? Abadan. قال وفي تصريف الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. نعم. تصريف الأوقات وبفصولها. نعم. tu as les saisons. chaque saison elle a des spécificités. كذلك tu as des différents endroits, différents domaines. telle espèce animale ils ont besoin de d'endroits humides, d'autres ils ont besoin d'endroits secs. أمور عجيبة. قال هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل. toutes ces choses, est-ce que واحد qui a la raison, il peut accepter que ces choses elles sont venues seules? الآن بعض الناس يتعجبون de la complexité de certains appareils. Et maintenant la technologie, le niveau où qu'ils ont atteint avec tous ces téléphones, avec tous ces appareils, il a arrêté. بعض الناس يتعجبون de la complexité. Et plus c'est complexe et plus c'est innovant, tout le monde accepte que la technologie ça avance et que c'est des personnes qui ont fait des efforts pour faire pour fabriquer ces choses. Bien sûr, tout cela بإذن الله عز وجل. فكيف هذا التنظيم العظيم وهذه المخلوقات العجيبة. Cette créature et tout ce système qui est géré parfaitement, l'insan yatafakkar. Certaines personnes elles ne réfléchissent pas. Alors qu'une petite chose que l'être humain il a fabriqué, yata'ajjabun minha, ils sont étonnés. قال أم الذي خلق ذلك ودبره هذا التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه كما في سورة السجدة كما نبه على ذلك البرهان العقلي بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله توسس من صنع الله من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. C'est Allah سبحانه وتعالى qui crée ces choses et qu'il les gère parfaitement, subhana. وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه كما في سورة طه اللائق به ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لابد فيها من بقائه حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها وبقاؤها ويسر لها أرزاقها وأقواتها وهداها لتناولها. Si tu viens à réfléchir sur le monde animal, fasatara ajaban. Cet animal, maintenant une femelle, qui met au monde des petits, les premières choses qu'ils font ces petits, c'est qu'ils veulent téter. Man hadahum, ça c'est une hidayah. Qui c'est qui les a guidés? Qui c'est qui les pousse directement à chercher le sein de leur mère? Hakada pour l'enfant. Et là, si le petit ne tète pas, il meurt directement. C'est pour ça que certains animaux, ils meurent directement, leur petit meurt directement. Dans certains cas, ils n'arrivent pas à trouver la femelle. Il a arrêté, il y a mouton. Qui c'est qui a guider ses petits à rechercher le sein de leur mère. Wahakada, cette mère, elle fait des causes pour trouver un endroit calme pour mettre au monde ses petits. Kadalek, pour leur chercher de la nourriture. Les poissons dans l'océan. Chaque poisson, il mange d'une catégorie de choses. Il a arrêté. Qui c'est qui a facilité à toutes ces espèces de vivre et de manger, de rechercher leur nourriture? Il a arrêté. Man. Ça nous montre quelque chose de azim. Le wahed, on dit à un de ces athées, cet enfant, on le laisse seul et personne lui emmène de nourriture. Est-ce qu'il va accepter? Il va dire là, il faut faire les causes. Il acceptera pas sa raison, Gabe, cet enfant. Enfin, comment ils acceptent un azim, tout se fait tout seul? Est-ce que ça c'est acceptable? Abadan. Fa al-haqiqa law on qaddar wa ana a'taqid hada, je pense cela et je suis convaincu qu'un athée, un kafir qui ne repousse pas avec orgueil et qui veut écouter, si on lui lit hadhihi ar-risala, que le début, on prend que le dars d'aujourd'hui par exemple, le premier fasl avec ces quelques points, ma adhan, je pense pas qu'il rejettera. Emma, il acceptera. Emma, il se taira. Emma, refuser, rejeter et repousser hada, c'est pas possible. Abadan. Qala rahimahullah. Faman nadra fi hadhihi al-hidaya al-amma. Al-hidaya al-amma, c'est la guidée amma générale pour tout le monde. Il y en a la guidée, il y a l'amma et l'khassa. L'khassa, c'est accepter la vérité. C'est la guidée pour accepter l'islam. Al-amma, c'est la guidée et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide dans ce qu'il a besoin. Les animaux, les êtres humains, il a akhiré. Qala wa bathiha fi jami' al-makhlouqat wa ilhamiha hadha al-ilham al-ajib. On redonne l'exemple, matalan, de ces oiseaux. Prends l'exemple des oiseaux. Anna, la mer, le matin, hakada, tamshi, yaminan wa shimalan, pour chercher certaines choses, les petits attendent dès qu'elles viennent, les petits ouvrent leur bec, elles leur donnent à manger. Maintenant, dhamma hadha. Qui c'est qui gère tout cela? Qui c'est qui a facilité à cette mère cette chose? Qui c'est qui a facilité à ces petits de rester dans cet endroit, d'attendre? Il a akhiri men. Qala, alladhi tahtadi bihi ila masalihiha, alima bidhalik, inayati al-mawla al-azim. Hada, ça va nous pousser à plusieurs choses. Awwalan, être reconnaissant. Limadha, li'anna, si on a compris hada, ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala yatani hadhihi al-inaya al-azim bi khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère et c'est lui qui donne à l'être humain et à toutes les créatures. Donc nous, en tant que croyants, on doit être reconnaissants. Pour celui qui ne croit pas, al-kafir, al-mulhid, l'athée, ça doit lui faire réfléchir. Ça doit le faire réfléchir plutôt. Qala wa alima annahu al-rab li kulli marboub, al-khaliq li kulli makhlouq, al-raziq li kulli marzouq, al-ladhi allama al-makhlouqat wa a'taha min al-adhan, ما يصلحها ويدفع عنها المضار وذلك برهان عقلي واضح عظيم على وحدانية الله وكماله. هذه c'est une preuve claire. C'est la première, le fait de réfléchir sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur tout ce qu'il a créé et ce que ça implique. فهذا لا شك أن cette preuve c'est la base. C'est pour ça que Cheikh l'a cité au départ et personne ne peut la rejeter. Et ceux qui ont la raison. وقد نبه الله تعالى وقد نبه الله ذلك كانه عن ذلك بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم, الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui guide. Ça nous montre أن هذه الهداية, cette guidée, chaque chose est à sa place et chacun fait des efforts pour chercher à manger, pour faire telle chose, il a akhiré. Tout ça nous montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'ibad. Et ça nous montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout. Et celui qui gère tout, c'est le créateur. Qala fa hal fi tabi'ati al-hayawanat al-mutanawwi'a hadhihi al-hidaya wa hadha al-ilham ila tahsil manafi'iha wa daf' madariha wa al-hunu 'ala awladiha wa qiyamiha bihim حتى يدرج ويستقل بأنفسهم. هذا c'est ce point qu'on a cité précédemment. Et celui qui médite, qui réfléchit sur le monde animal et toutes les ajaïbs qui se passent, Ça, c'est un burhan azim sur l'existence d'Allah. C'est une preuve claire que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Comment la mère, elle protège ses petits? Qui c'est qui a facilité, qui a guidé cette femelle? Oh, kadalik, le mâle, le père, a protégé ses enfants. Ahyanan, la mère, elle se sacrifie pour protéger ses petits. Qui c'est qui l'a poussé à hada? Qui c'est qui a mis cette rahma dans cet animal pour préserver ses petits? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Wahakada, la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, certains animaux, Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur a donné des moyens de se protéger. Tel animal, il rentre dans la terre. Tel animal, Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a créé une carapace. Quand il est en danger, automatiquement, il se cache sous cette carapace. Wahakada, cet animal, il peut s'envoler dans les airs. Quand il est en danger, il s'envole. Qui c'est qui a donné et qui a facilité à cet animal de se déplacer, de se protéger? Hada, ça nous montre qu'il y a un khaliq azim. On répète, al-malahida et al-kafara, ils ont ce principe, annahu, c'est la nature. C'est pour ça qu'ils sont étonnés, par cette nature. Ben, ils en font des reportages, des photos, des recherches, il a arrêté, et ahyanan, ils le disent clairement. Annahum, c'est, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait, il a arrêté. Pourquoi les annahum, ils se sont limités à une chose limitée? Voilà la nature, comme ils la comprennent eux, ça veut rien dire. La nature, c'est la créature elle-même. Et thaniyan, comme on l'a, annahum, ils ont du mal à comprendre certaines choses. Ammal mu'min la. Quand c'est quelque chose de azim, de ajib, il sait que c'est al khaliq al azim qui a créé cette chose. Qala wa hadha wa hal hadha al hanan wa al rahma al mawdu'a fi al hayawanat ala awladiha illa min akbar al adilla ala sa'ati rahmatillah wa shumul ilmihi wa hikmatihi. Hadha on l'a cité. Ay hadhihi al rahma wal hanan. Ay cette protection, cet amour de ce père ou cette mère, ce mâle ou cette femelle pour leurs petits, qui c'est qui leur a donné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والهداية. رسالة نافعة. لو بعض الإخوان ils auraient la force et la capacité de traduire مثل هذا الكلام. لأن c'est une دعوة عظيمة. Celui qui arrive à traduire, à simplifier هذه البراهين pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Bien sûr, la plupart ils ne comprennent pas l'arabe. Ce genre de livre à traduire, c'est très très important. Il y en a ceux qui sont concernés. En premier lieu, en général, surtout dans certains endroits, ils ne comprennent pas cette langue. Traduire, résumer avec un kalam jamil, mufid, avec les exemples de shir, rahimahullah, avec un français correct, avec des tournures de phrases correctes, ça servira de support à nos frères qui sont concernés, qui font da'wah via d'albab. Un support tayyib avec cette explication qu'on fait ensemble et avoir un support clair. Ce n'est pas tout le monde qui comprend l'arabe. Khasatan pour, si wahed, il veut lire à ses parents ou à ses proches qui ne comprennent pas l'arabe, et si lui-même il a du mal en arabe, arubama, ça, c'est un obstacle. Un obstacle, il y en a. Écouter une personne qui ne maîtrise pas la langue du support qu'il veut transmettre, là, je sais que ça peut être un obstacle. Il y a là, ceux qui ont la force de traduire, c'est une da'wa azima. C'est une da'wa azima et nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Naktafi bihada et demain, bi'inillah azza wa jal, on continue nos cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.